Collège de France, les cours sont libres, c'est-à-dire que viennent les écouter les gens qui veulent, n'importe qui. De sorte que, finalement, quel est celui qui est examiné? Quel est celui qui est sous le pouvoir de l'autre? Moi, je dirais qu'au Collège de France, c'est celui qui enseigne. Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti. Il me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quel sacrifice accomplir pour honorer Héraclès? Faut-il lui sacrifier comme à un héros ou comme à un dieu? Et quels sont les rituels qui touchent les héros grecs? S'interroge Vinciane Pirène-Delforge, titulaire de la chaire Religion, Histoire et Société dans le monde grec antique. Comment la frontière entre le statut des dieux et celui des héros peut-elle s'avérer poreuse? Vinciane Pirène-Delforge, historienne anthropologue qui a longtemps mené ses recherches et enseigné à l'Université de Liège, nous propose un mode d'emploi du politéisme grec pour la première série de cours qu'elle donne au Collège de France. Dans la présentation du cours qu'elle consacre à la question du culte des héros et des sacrifices qui leur sont offerts, cette spécialiste d'Aphrodite et d'Héra note que le monde suprahumain des Grecs est peuplé de figures aussi nombreuses que complexes, et dont le statut n'est pas figé selon une catégorisation rigide où les frontières seraient claires et parfaitement étanches entre les dieux, les héros et des humains mortels. La plasticité du polythéisme se donne à voir aussi dans la fluidité et la porosité des limites que viennent sanctionner des rituels sacrificiels. En première partie de cours, Vinciane Pirène-Delforge s'attache aux Tritopatores, ses ancêtres collectifs et protecteurs des générations. Concernant la grande question de la relation entre le général et le particulier, elle souligne que le cas des Tritopatores atteste l'existence d'une ambivalence de ces figures partout où elles sont honorées, tout en montrant que chaque communauté s'approprie cet arrière-plan partagé en le déclinant selon des modalités qui lui sont propres. Nous gagnons tout de suite l'amphithéâtre du Collège de France le 5 avril 2018 pour le cours de Vinciane Pirène-Delforge, aujourd'hui sacrifié comme au héros, le cas des Tritopatores. Alors jusqu'à présent, je vous ai parlé beaucoup de Dieu et très peu des autres entités qui peuplent le monde suprahumain des Grecs. Je vous ai notamment très peu parlé de héros. La seule mention que j'ai faite de héros se trouve dans un passage d'Hérodote que nous avons vu il y a déjà plusieurs semaines. Et c'était en fait une affirmation en creux, puisque quand il présentait l'origine, ou en tout cas l'origine supposée des dieux grecs en Égypte, Hérodote signalait, au bout de son développement sur les onomata que nous avons analysés, que les Égyptiens ne rendaient pas de culte à ce type de figure. Et l'importance des héros dans son propre monde, c'est-à-dire dans le monde grec, justifie que l'enquêteur ait mentionné cette information en passant dans le contexte de sa mise au point, donc sur la matrice égyptienne de la religion grecque, puisque cette composante importante de la religion grecque que sont les héros n'apparaît pas dans cette prétendue matrice égyptienne. Alors, vous aurez peut-être remarqué ici, donc dans cette affirmation que j'ai mise en évidence, vous aurez peut-être remarqué que l'on trouve à nouveau ce verbe nomizein dont nous avons déjà abondamment parlé, notamment dans l'étude, dans l'analyse de la formule nomizein tous theous qui figurait dans l'intitulé des trois cours qui viennent de s'écouler. Mais j'attire votre attention sur un point dans la formulation qu'Hérodote adopte ici, dans ce passage précis, pour ceux qui sont familiers du grec. Nous avons ici, dépendant du verbe nomizein, le substantif eros au datif. C'est-à-dire que la construction de la phrase, de l'expression, n'est pas la même dans la prose d'Hérodote quand il parle de Dieu ou quand il parle de héros. Donc ici, il fait usage du datif, alors que pour les dieux, il fait usage de l'accusatif. Alors, je n'ai pas le temps de m'arrêter sur ce point précis, mais je veux simplement souligner que l'usage du datif ici attire en quelque sorte le verbe dans la direction de l'usage concret, c'est-à-dire dans les différents sens que je vous ai présentés récemment, le sens d'avoir usage de recourir à quelque chose d'un point de vue extrêmement concret, qui peut être aussi un des sens de nomizein. Ce me semble être le cas ici. Et donc cette attraction en direction d'un usage concret, donc le recours au héros, c'est un recours, et la traduction de Legrand de ce point de vue est intéressante, c'est vraiment la mise en évidence de la dimension concrète de l'usage, c'est-à-dire rendre le culte. Et donc, dans le cas présent, on voit bien, si je ne pousse pas la réflexion trop loin, on peut considérer que dans le cas des dieux, donc nomizein tous theous, on a la représentation et l'hommage, et dans la logique d'Hérodote, c'est évidemment ce choix, dans un monde divin au départ indifférencié, ce choix de certaines figures qui sont progressivement identifiées, donc on a vu tout cela ensemble, la représentation qui induit le culte. Dans le cas des héros, on a donc, par l'usage du datif, une distinction de statut dans l'économie générale du monde suprahumain, et vous voyez toute la subtilité du grec, où cette différence de statut peut passer par un cas particulier, en l'occurrence le datif plutôt que l'accusatif. Mais voilà le constat d'Hérodote, les Égyptiens ne recourent pas aux héros, n'ont pas l'usage des héros, ne rendent pas de culte à des héros, contrairement aux Grecs. Car s'il y a beaucoup de dieux en Grèce ancienne, il y a effectivement beaucoup de héros. En maintenant aux héros qui reçoivent un culte, hein, selon la logique d'Hérodote, et sans m'apesantir sur la question de statut des héros mythiques, hein, c'est-à-dire les héros qui peuplent les traditions narratives, mais qui ne reçoivent pas forcément un culte, donc sans m'apesantir sur ces héros-là, ceux des traditions narratives, le profil des figures héroïques est particulièrement varié, depuis les plus obscurs des héros locaux, qui sont uniquement honorés à l'échelle purement locale, jusqu'aux figures beaucoup plus largement attestées, d'Héraclès, bien sûr, ou d'Amphiaraos, dont je vous ai parlé récemment. Souvenez-vous, ce sont les deux héros dont les gens de Marathon, d'une part pour Héraclès, et ceux d'Oropos, d'autre part pour Amphiaraos, revendiquaient la primauté d'en avoir fait des dieux. Il y avait ce changement de statut avec ce verbe nomizein que nous avions étudié en détail. Alors, ces revendications locales, dont Pausanias a conservé le souvenir, attestent déjà que les frontières entre le statut de dieu et celui de héros peuvent être poreuses. Et nous allons voir aujourd'hui qu'une telle porosité n'est pas un vain mot sur le plan cultuel, puisque c'est de culte qu'il va s'agir essentiellement. Nous n'allons pas quitter tout à fait les normes rituelles, même si le terme de normes n'apparaît plus dans le titre du cours d'aujourd'hui. Je vais en effet vous soumettre un texte de ce type, normes rituelles. Vous avez donc une photographie sous les yeux avec un dessin qui reprend l'objet. Et cet objet, ce document, provient probablement de la ville sicilienne de Sélinonte. Si vous allez sur le site du CGRN et que vous cherchez l'inscription 13, vous allez trouver le texte correspondant à ce document. Alors, comme vous le voyez à l'écran, le texte est porté par deux tablettes de plomb qui étaient unies l'une à l'autre. Les éditeurs ont daté ce document de la première moitié du 5e siècle avant notre ère, ce qui place relativement haut dans le temps ce document exceptionnel pour notre connaissance des processus sacrificiels et des processus purificatoires. C'est une inscription qui nous apporte des faisceaux d'éléments tout à fait remarquables à cet égard. Nous allons maintenant entrer dans le cœur de ce document complexe. Et donc sur la face A de la tablette sont énumérés différents sacrifices, dont les premiers vont nous retenir plus particulièrement, puisque en fait toute la face A n'est pas reprise ici à l'écran. Je vous propose de lire ensemble la traduction et puis nous entrerons dans la structuration même de ce texte. Le sacrifice d'offrande avant les Kotitiyah, donc c'est une fête, et la trêve qui a lieu la cinquième année, c'est-à-dire tous les quatre ans, lorsque l'Olympiade prend cours. Donc c'est le rythme des concours olympiques. À Zeus Euménès, un animal, et aux Euménides, un animal adulte, et à Zeus Meilikios, vous voyez ici deux épiclès de Zeus, ça nous est familier maintenant, deux épiclès de Zeus, Euménès et Meilikios, dans le lieu de Miskos, un animal adulte, au Tritopatorus, les voilà, ce que mon titre annonce, au Tritopatorus impur comme au héros, ayant versé du vin par le toit, des neuf portions en brûlé une, ceux à qui c'est religieusement permis sacrifieront un animal et feront la consécration, sous-entendu, en le brûlant. Ayant fait une lustration, on ne dit pas avec quoi, on fait l'hypothèse que c'est de l'eau, qu'ils oignent l'autel et aussi sacrifient un animal adulte au Tritopatorus pur. Donc on a d'abord eu des Tritopatorus impurs et puis des Tritopatorus purs. Versant un mélange de lait et de miel, une table est dressée et une banquette et qu'ils y mettent un tissu propre et des couronnes et un mélange de lait et de miel dans de nouvelles coupes et des gâteaux et de la viande. Ayant offert des prémices, qu'ils les brûlent et oignent, ayant déposé les coupes sur l'autel, les sacrifices ancestraux sont faits comme pour les dieux. À Zeus Meilikios, dans le lieu de Tidamos, qu'il sacrifie un bélier non castré. Vous reconnaissez le style inimitable de ce type de normes rituelles avec une accumulation de prescriptions, en l'occurrence ici des prescriptions sacrificielles, qui visent évidemment à donner des indications précises à ceux qui doivent accomplir ces différents rituels. Alors, ce texte est complexe, et je vous le présente sous forme de tableau, ce qui va nous faciliter l'analyse. Un tableau où l'on retrouve donc les différentes séquences du passage de la partie de la face A que je viens de lire avec vous. On a donc un sacrifice à Zeus Euménès, un sacrifice aux Euménides, un sacrifice à Zeus Meilikios, alors dans l'endroit de Miskos, on ne sait pas exactement à quoi cela fait référence, mais c'est assez accessoire pour mon propos d'aujourd'hui. Puis, et là on arrive vraiment au cœur de mon intérêt aujourd'hui, un sacrifice au Tritopatorus impur. Avec, donc, si on propose une séquence de ce sacrifice au Tritopatorus impur, le sacrifice lui-même, une libation par le toit, la combustion de la neuvième part, une aspersion et une onction. Donc voilà ce qui apparaît dans l'inscription, dans cette démarche sacrificielle qui est faite pour les Tritopatorus impurs. Puis on passe au Tritopatorus pur, sacrifice, libation, mise en place d'une table et d'une couche avec offrande alimentaire, c'est ce qu'on appelle en grec une théoxénia, c'est l'accueil du dieu, c'est la manière de le recevoir à table, une théoxénie, et puis combustion des prémices, onction et déposition de la vaisselle, peut-être combustion de la vaisselle sur l'autel, même si ce n'est pas totalement clair, et enfin le sacrifice à Meilikios dans le lieu de Tidamos. Donc vous voyez ici, on a des localisations qui sont difficiles à comprendre. Alors j'ajoute à ce tableau, donc, qui reprend le contenu de cette inscription, j'ajoute à ce tableau la mention des agents du sacrifice des Tritopatorus impurs. Vous vous souviendrez, quand nous avons discerné la trame sacrificielle grecque, j'ai souligné le caractère accessoire d'un agent rituel. Donc il n'y a pas d'obligation, contrairement au sacrifice perse dont Hérodote nous parlait, en contexte sacrificiel grec, il n'y a pas d'obligation de recourir à un prêtre. Mais ici, on voit bien que dans l'inscription de Célinonte, une partie, en tout cas, du rituel doit être accomplie par des agents spécifiques et ils sont définis par cette expression que j'ai traduite par ce à qui c'est religieusement permis. Donc on voit bien qu'il y a une emphase qui est mise sur le profil des agents. Donc dans le cas présent, ce sont des personnes qui sont explicitement autorisées à procéder à l'opération, qui sont mandatées, et donc plus précisément la combustion de la neuvième barre sur laquelle je vais revenir. Dans les autres cas, vous remarquez, il n'y a pas de mention de l'agent, donc ça doit être laissé au libre choix et à l'appréciation du groupe. Alors, un autre élément qu'il me faut ajouter au tableau, enfin plutôt deux éléments qu'il me faut ajouter à ce tableau, est la qualification des sacrifices qui s'adressent aux tritopathoros impurs, puisque le texte nous dit qu'il faut leur sacrifier comme aux héros. Et cette expression opère évidemment un contraste explicite avec une autre expression que l'on trouve dans le texte et que je viens d'afficher. À la fin de toute cette procédure, il est souligné que les sacrifices ancestraux sont faits comme aux dieux. Et même s'il nous est difficile de savoir exactement à quel sacrifice cette affirmation s'applique, on peut partir de l'hypothèse que c'était effectivement en contraste avec ce sacrifice au héros que le rédacteur de la ou les rédacteurs de cette inscription ont considéré qu'il était nécessaire de préciser attention, il y a un sacrifice pour les héros, mais les autres se font comme aux dieux. Donc, catégorisation très claire dans cette inscription. Nous voici donc face aux différentes prescriptions de ce texte complexe, dont la structure est loin d'être limpide, que ce soit d'ailleurs la face A ou la face B, mais je vous épargne la face B qui nous emmènerait ailleurs. De plus, on trouve dans ce texte la trace de plusieurs mains et différents niveaux de composition. Donc la matérialité du texte souligne aussi sa complexité. Ces constats rendent l'interprétation du document particulièrement délicate. Alors, s'agit-il d'un brouillon, de notations éparses pour mémoire ? S'agit-il de la préparation d'un affichage qui devait se faire sur un support différent et qui aurait explicité ce qui reste implicite ici ? Il est évidemment impossible de répondre à ces questions, mais toutes ces questions vous montrent pourquoi, depuis 35 ans, on continue de creuser le sillon de l'interprétation de cette inscription. Il n'est pas non plus évident de savoir quelle est l'instance émettrice du document. La cité doit se trouver en arrière-plan des rituels accomplis, mais le détail de l'implication d'éventuels agents officiels, parce que ici, ceux à qui c'est religieusement permis, on n'en connaît pas le statut. Est-ce que c'est un groupe qui est associé à une famille, à une communauté gentilice, ou est-ce un groupe qui est mandaté par la cité ? Nous n'en savons rien. Quoi qu'il en soit, ce que je souhaite évidemment discuter maintenant, c'est le statut des destinataires des opérations sacrificielles qui sont en jeu. Je vais m'attacher à la figure des tritopathores, comme l'annonce donc le titre, non sans avoir attiré votre attention sur l'importance de Zeus dans ce contexte, qui porte donc, je l'ai dit tout à l'heure, l'épiclès de Ménès et de Meilikios. On le voit donc se décliner dans deux lieux différents. Et Zeus Ménès et Zeus Meilikios, c'est le doux, le bienveillant. Donc les tritopathoros, ou tritopatreis, comme on peut les appeler aussi, désignent étymologiquement les troisièmes pères, les pères de la troisième génération, et leur nom est une manière d'évoquer la continuité d'une lignée. Au-delà du strict comptage des générations, leur nom renvoie aux premiers ancêtres, à ceux qui ont enclenché un processus de génération. Ce sont dès lors des ancêtres collectifs, encore une fois, vous remarquez, c'est un pluriel. Ce sont des ancêtres collectifs partagés qui protègent la continuité de la communauté. Dans la cité d'Athènes, on sait, par quelques textes malheureusement très fragmentaires, que les jeunes gens leur adressaient des prières, donc aux tritopathoros, des prières au moment de se marier pour favoriser la conception des enfants. Donc on voit bien qu'il y a là une dimension de protection de la génération qui est essentielle dans la compréhension de leur profil. Des gloses assez marginales ont également assimilé les tritopathoros aux vents, hein, donc les vents, nés d'Ouranos et de Gaïa, donc du ciel et de la terre, au début du monde. Donc là, on a une projection de ces figures des troisièmes pères dans un schéma cosmogonique. Le statut de ces entités, dans ce cas précis, est relativement flottant. Donc, vous voyez des figures qui sont partagées au-delà de ces linontes. Hein, ce n'est pas une caractéristique purement locale. Les Tritopathoreus sont attestés dans toute une série de cités. Je ne les énumère pas tous, mais ce sont des figures qui sont partagées sur un plan relativement général. Si je reviens maintenant à ces linontes, vous avez remarqué que les Tritopathoreus portent des qualificatifs contrastés. Ils sont purs et impurs, ils sont kataroi et miaroi. Alors, les termes de la discussion que je veux vous soumettre sont assez simples, une fois que j'ai constaté ceci. Selon les premiers éditeurs de l'inscription, Jameson, Jordan et Kotansky, c'est le sacrifice au Tritopathoreus impur qui les transforme en Tritopathoreus pur. Donc le sacrifice a une vertu purificatoire dans leur interprétation. Il s'agit dès lors, selon eux, d'un groupe de destinataires, un groupe ancestral, dont l'opération sacrificielle modifie le statut. Donc ça, c'est une première interprétation. Cette interprétation a été contestée assez rapidement par Kevin Clinton dans un article qui se penchait sur le statut des figures suprahumaines de l'inscription de Célinonte. Alors, selon Clinton, il ne faut pas considérer qu'on a affaire à un seul groupe dont le statut change, mais qu'on a deux groupes différents, les purs d'un côté, les impurs de l'autre, chacun recevant un type de sacrifice spécifique. Un rituel comme aux héros pour les impurs, un rituel comme pour les dieux pour les purs. Deux groupes d'ancêtres, donc, et non plus un seul. Et il faut dire que depuis la date de parution de cet article, cette analyse a été largement suivie, considérant qu'on a donc affaire à deux groupes séparés. Ce qui est surprenant dans cette situation de deux points de vue différents sur ce texte, c'est qu'ils recourent tous les deux pour justifier leur interprétation au même parallèle, ce qui est un peu singulier. Et ce parallèle se trouve chez notre ami Pausanias, au livre 8, le livre 8 concernant l'Arcadie, donc la région centrale du Péloponnèse. Pausanias se trouve donc au milieu de l'Arcadie, et il visite des sanctuaires, hein, c'est sa manière. Nous avons déjà vu quelques passages qui montrent sa méthode. Il part donc d'une visite concrète et puis va donner une série d'éléments interprétatifs. Nous lisons le texte ensemble. Il y a à gauche de la route un sanctuaire pour des déesses. On appelle les déesses elles-mêmes, mais aussi le territoire alentour du sanctuaire, Maniai, ce qui veut dire les folles. C'est, à mon avis, une épiclèse des déesses Euménides. Je vous avais dit qu'on retrouverait les Euménides. Et l'on dit qu'Oreste, après le meurtre de sa mère, devint fou à cet endroit. Non loin du sanctuaire, il y a une butte de terre de médiocre importance, avec pour couronnement un doigt fait de pierre. Et d'ailleurs, cette butte a pour nom le monument du doigt. C'est là, selon la tradition, qu'Oreste, ayant perdu la raison, se coupa avec les dents un doigt d'une de ses mains. À côté de cet endroit s'en trouve un autre, donc d'endroit, appelé Aké, ce qui signifie en grec les remèdes, parce qu'Oreste y trouva la guérison de son mal. On a aménagé là aussi un sanctuaire des Euménides. Ces divinités, au moment de faire perdre la raison à Oreste, lui serait, dit-on, apparu noir, mais après s'être coupé le doigt avec les dents, il les aurait de nouveau vues blanches, et aurait retrouvé ses esprits à ce spectacle. C'est ainsi qu'il offrit un énagismos, je reviendrai sur ce terme, aux premières pour détourner leur colère, et une tussia aux blanches. L'usage est de sacrifier aux carites en même temps qu'à elles. Donc voilà le texte qu'à la fois Jameson, Jordan et Kotansky, et à la fois Clinton ont convoqué pour aboutir à une interprétation, chacun une interprétation différente. C'est évidemment autour des Euménides, ici, que se joue la comparaison que l'on peut faire avec les Tritopatoureus, puisque, si l'on en croit Pausanias, elles sont ainsi nommées dans le sanctuaire du lieu-dit les Remèdes. Ici, il dit « on a aménagé là un sanctuaire des Euménides », mais ce sont elles aussi, selon lui, qui se cacheraient derrière les Maniailles du lieu-dit qui portent le même nom. Dans le mythe d'Oreste, donc, les unes sont blanches et les autres noires. Dans le contexte rituel évoqué par le visiteur, les blanches reçoivent une tussia. La tussia, nous en avons encore parlé la semaine dernière, c'est donc ce que j'ai appelé la trame sacrificielle grecque. Une tussia, tandis que les noires reçoivent ici donc, un énagismos, c'est-à-dire un animal qui est entièrement consumé. Donc pas de partage dans ce cas-là. Le passage de Pausanias, vous l'aurez remarqué, est assez complexe parce qu'il juxtapose une série d'informations de différents types. Alors, le fondement de l'ensemble est constitué de sanctuaires locaux aux noms transparents. C'est la méthode de Pausanias. Il pose son cadre en visitant des lieux concrets. Vous avez ici les éléments qui sont ancrés dans le territoire et autour desquels il brode. Et il donne de la substance interprétative. Pausanias y ajoute sa propre interprétation du nom des Maniailles locales, qui se fonde, même s'il ne le dit pas, sur la tragédie d'Eschyle, que vous connaissez sûrement dans le cas de l'Orestie, où les Érinies deviennent des Euménides, hein, Oreste, après le meurtre de sa mère, est pourchassé par les Érinies, et au bout de du processus tragique, les Érinies, vengeresses, sont transformées en déesses bienveillantes, et dans l'interprétation que nous donne ici Pausanias, il parle donc précisément de ce double statut. Puis, il va présenter le récit étiologique local qui met Oreste en scène, qui est lié à la butte du doigt, au tombeau du monument du doigt, avec l'autre étiologie également autour de l'histoire d'Oreste. Et pour terminer, il fait référence aux pratiques sacrificielles local, mais dont fondamentalement il ne dit rien. Il dit simplement l'usage est de sacrifier aux Carites en même temps qu'aux Euménides. On assiste donc dans ce texte à des allers-retours entre le niveau local et le niveau général, entre des cultes spécifiques et des traditions narratives panhelléniques, toute l'histoire d'Oreste qui était partagée à l'échelle de la Grèce, ces traditions panhelléniques qui sont injectées dans les étiologies arcadiennes. Une telle complexité narrative explique en partie pourquoi il est possible de construire des interprétations contradictoires autour d'un même texte. Je suis d'accord avec Clinton sur la critique qu'il peut faire de cette transformation qui serait amenée par le sacrifice qui ferait passer les Tritopatoureus du statut d'impur à pur. Faut-il aller cependant aussi loin que lui ? Et y voir deux groupes divins différents, puisque je vous ai dit que l'hypothèse de Clinton, c'était on a des impurs, on a des purs, et on leur offre des sacrifices adaptés, le premier groupe n'ayant rien à voir avec le second. Le Collège de France et France Culture vous présente Vinciane Pirène-Delforge, Polythéisme grec, mode d'emploi, aujourd'hui, sacrifié comme au héros, le cas des Tritopatoureus. Thank you. Si l'on suit Pausanias, les déesses honorées par Oreste dans le récit local qu'il a recueilli sont les Euménides, le même groupe féminin collectif dont l'épiclèse locale, au lieu d'Imaniae, précise la fonction. Oreste accomplit un rituel qui correspond aux différents aspects des déesses à des moments différents de son parcours. Le héros décrit par Pausanias va donc sacrifier de manière adéquate, en fonction du profil spécifique du destinataire, dans un contexte spécifique, sans qu'il soit possible, me semble-t-il, d'affirmer pour autant que le groupe destinataire comme tel serait différent dans l'un et l'autre cas. Donc, si je suis d'accord avec Clinton sur le fait que le sacrifice ne transforme pas les destinataires, je suis beaucoup plus réservé sur la question d'y voir deux groupes complètement distincts l'un de l'autre. Mais la différence d'interprétation entre Jameson, Jordan et Kotansky et Clinton n'est pas seulement ancrée dans les complexités narratives du texte de Pausanias. Vous aurez peut-être reconnu en filigrane de ce que je viens de vous dire le questionnement que j'ai abordé devant vous il y a quelques semaines quant à l'unicité et la multiplicité d'une divinité. Nous sommes évidemment au cœur de cette problématique-là. Je vous remets sous les yeux le passage d'Hérodote dont nous étions partis pour réfléchir à cette question de l'unité ou de la pluralité d'un même Dieu, avec donc l'invocation de Crésus à trois facettes de Zeus, le Catharsios, l'Héphaistios et l'Hétaireios, avec cette incise, c'était le même Dieu qu'il dénommait ainsi. Nous sommes évidemment dans le même type de problématique. A-t-on affaire à deux groupes totalement hétérogènes l'un à l'autre, Tritopatores pur d'un côté et impur de l'autre, comme on pourrait considérer ici qu'on a affaire à des Zeus qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et qui n'ont rien à voir avec le nom même de Zeus. Je vous avais dit ma préférence concernant la question de Zeus, qui est plus qu'une préférence, c'était une démonstration et j'espère vous avoir convaincu. Donc nous avons bien affaire au même Dieu. Voyons ce qui arrive dans le cas des Tritopatores de Célinonte. C'est en tout cas le même arrière-plan. Et cette problématique engage en profondeur notre compréhension de la représentation des figures qui peuplent le monde suprahumain des Grecs, à quelque échelle que ce soit. C'est ça qui m'intéresse de vous montrer. Je fais donc l'hypothèse que les Tritopatores purs et impurs de Célinonte sont en fait un seul et même groupe d'ancêtres. Ils ont le même nom. De la même manière que les Euménides arcadiennes, en tant que groupe, peuvent être blanches et noires. Et pour appuyer mon hypothèse, je vais faire appel à un texte qui est un peu plus tardif que celui de Pausanias, mais qui est la seule œuvre de l'Antiquité à s'occuper, en tout cas qui nous a été conservée, à s'occuper de héros et à porter le titre « Héroïkos ». Et donc Philostrate, dans ce texte, et dans, plus particulièrement dans le passage que je veux vous soumettre, évoque en fait le lieu supposé du tombeau d'Achille, grand héros de la guerre de Troie s'il en est, alentour de Troie, près du site de l'ancienne Troie. Et l'oracle de Dodone aurait en fait ordonné aux Thessaliens, donc des compatriotes d'Achille, de sacrifier chaque année aux héros, mais vous allez voir que ce n'est pas uniquement aux héros comme tel, à cet endroit de la Troade. C'est sur ce contexte que s'inscrivent les passages que je vous soumets ici. En effet, nous dit Philostrate, l'oracle ordonna aux Thessaliens de faire voile vers Troie pour sacrifier chaque année à Achille et égorger une partie des animaux comme il convient à un dieu, Ostéo, et l'autre partie, selon ce qui est choix, aux morts, os en moira ton caimenon. Ton caimenon, on pourrait presque traduire ça par les gisants. Et puis, après avoir donné cette indication générique, Philostrate entre dans la description plus précise de ce qui se passe à Troie dans ce contexte. S'étant rendus au tombeau, ils invoquaient Achille. Après avoir couronné le sommet du tertre, ils y creusaient des fosses et égorgeaient le taureau noir comme pour un mort. Os tetneoti, donc là on a vraiment le défunt. Après avoir dépecé et fait se consumer intégralement l'animal, il redescendait aussitôt vers le navire, et après avoir sacrifié sur le rivage l'autre taureau, à nouveau pour Achille, et procédé à l'offrande par le panier sacrificiel et les viscères, les splankna, dans le cadre de ce sacrifice-là, car, précise Philostrate, car ils accomplissaient ce sacrifice comme pour un dieu, donc on n'est plus dans le registre de la mortalité, c'est pour un dieu, il s'en allait à l'aube, emmenant l'animal sacrifié afin de ne pas festoyer en territoire ennemi. Voilà le texte. On a donc un bœuf couleur noire qui est d'abord égorgé sur le tertre funéraire. Et l'expression est claire, c'est comme pour un mort. Et puis un taureau blanc qui est sacrifié comme un dieu avec la trame sacrificielle de la Tussia que nous avons vue la semaine dernière. Quand vous avez la mention ici, procéder à l'offrande par le panier sacrificiel, c'est-à-dire que c'est la mention des orges qui sont jetées et des bandelettes qui servent à décorer l'animal. Vous avez l'esplankna, donc la manipulation des viscères qui est typique de cette partie de la Tussia où on donne une partie de l'animal au dieu et puis le reste est conservé pour les sacrifiants. Et vous avez incontestablement ici la mention du banquet qui suit une tussilla. Donc on voit bien qu'on a deux tonalités extrêmement différentes de part et d'autre. Alors à ce passage de Philostrate, pour appuyer mon argumentation, s'en ajoute un autre de Pausanias et nous retrouvons Héraclès. Héraclès, donc ce héros-dieu, au statut particulier, dont les traditions narratives de la Grèce nombreuses racontent les exploits qui l'ont amené précisément du statut de mortel à celui de dieu. Alors, que nous dit Pausanias ? Nous sommes au livre 2, donc nous avons quitté l'Arcadie, nous sommes revenus ici du côté de la Corinthie, nous sommes à Sicyone plus précisément, et Pausanias décrit Sicyone. Ailleurs, dit-il, se trouve encore un sanctuaire d'Héraclès. Toute cette enceinte s'appelle Paiditse et le sanctuaire est au milieu de l'enceinte. Donc du Pausanias absolument classique. Pour le sacrifice, donc voici ce qu'ils ont coutume d'accomplir. Il raconte que Phaistos, venu sur le territoire de Sicyone, les trouva en train d'offrir un énagismos, revoilà le terme, à Héraclès comme à un héros. Os héros énagizontas. Donc offrant un énagismos comme à un héros. Alors Phaistos ne jugea pas digne d'agir de la sorte, mais bien de lui sacrifier comme un dieu, ostéotuaine. Et encore maintenant, quand les Sicyoniens égorgent un agneau et qu'ils font brûler les cuisses sur l'autel, ils mangent une part des viandes au titre de prélèvement d'un hiéréon, donc d'un animal sacrificiel, et ils offrent un énagismos, une part comme à un héros, os héros, ton creon énagizos. Alors, les habitants du lieu n'ont évidemment pas totalement obéi, n'ont pas totalement respecté, plutôt, les injonctions de Phaistos, puisqu'ils accomplissent en fait un rituel double, dans le texte de Pausanias, un rituel double qui va attirer l'attention sur le double statut d'Héraclès, un héros devenu dieu, comme dans le cas d'Achille à Troie, avec cette différence, évidemment, que dans le cas d'Achille, on a deux animaux différents, qui sont soumis à deux manipulations différentes, en tant que défunt d'un côté, en tant que dieu de l'autre, tandis qu'un seul animal est offert à Héraclès, en tout cas si l'on en croit le témoignage de Pausanias, mais avec une double manipulation, comme à un héros, comme à un dieu. Donc ce n'est pas identiquement la même chose, mais c'est extrêmement comparable. Alors, après ce détour par des parallèles, revenons maintenant à Célinonte avec la séquence dans laquelle s'inscrit le sacrifice au Tritopathoros impur et le sacrifice au Tritopathoros pur. Le parallèle entre les Tritopathoros et Héraclès est d'autant plus intéressant, et ici je vais en arriver à la neuvième part sur laquelle je vous ai dit que je reviendrai. Donc la neuvième part, qu'est-ce que c'est ? C'est le produit de la division de l'animal en neuf, donc des ensembles de viande, de viscères et de toute la composition de la carcasse de l'animal dont nous avons parlé la semaine dernière. Et donc, on en fait neuf parts et on en brûle intégralement une. C'est ça, la combustion de la neuvième part. Or, et je reprends ici une des normes rituelles que l'on trouve dans le CGRN, cette norme rituelle vient de Tassos, elle date du début du 5e siècle, et donc elle m'intéresse puisqu'elle est contemporaine de l'inscription de Célinonte. Je suis donc dans un contexte chronologique comparable, à défaut d'être dans une même ère géographique, puisque entre Tassos et la Sicile, il y a de la marge. Mais ce qui m'intéresse de vous montrer ici, c'est que dans cette norme rituelle qui réglemente le sacrifice pour Héraclès Tassios, donc l'Héraclès du lieu, il y a une interdiction de faire une division en neuf parts. Alors ici, donc, la prescription est négative, puisqu'à Célinonte, on doit faire brûler la neuvième part. Ici, on ne peut pas le faire, mais ça veut dire que d'habitude, on le fait. Donc, l'inscription de Tassos évoque la combustion de la neuvième part, attestant par là donc, que ce type de manipulation sacrificielle n'est pas une particularité de Célinonte. Là aussi, c'est quelque chose qui fait partie d'une certaine trame, celle qui s'adresse aux héros. Or, et j'en arrive évidemment maintenant au cœur de ma démonstration, la complexité de la figure d'Héraclès, que ce soit l'Héraclès de Tassos, l'Héraclès de Sicyone, et puis dans toutes les cités où il est honoré, ne l'empêche pas d'être une seule et même figure, dont les traditions narratives expliquent le parcours et le changement de statut. Le cas des Tritopathoros, en tant que groupe ancestral assez peu déterminé, n'est pas entièrement superposable au cas d'Héraclès, puisque d'un côté on a un héros panhellénique largement partagé, de l'autre des figures ancestrales peu déterminées et qui n'ont pas véritablement fait l'objet de grandes traditions narratives. Mais au-delà de la similitude dans l'opération sacrificielle, la comparaison permet, je pense, de nuancer le profil des ancêtres de Célinonte. Ainsi, dans l'éternité du monde divin, dans la représentation que les Grecs s'en font, Héraclès est à la fois héros et dieu. Tout comme l'est Achille dans le texte de Philostrate. Vous avez remarqué, c'est le même Achille auquel on offre un sacrifice comme un héros ou comme un dieu. Les traditions narratives, les mythes expliquent leur changement de statut au travers de leur biographie divine, parce qu'ils en ont une. Achille, Héraclès, ce sont des héros qui ont généré ce type de production mythique. Mais ils restent les mêmes destinataires dans les deux rituels, avec un changement d'accent en fonction du type de communication qui s'engage avec eux. Je vous ai dit la semaine dernière que le sacrifice était un puissant instrument de communication. Et donc le type de procédure que l'on choisit dans ce cas-là est une manière de s'exprimer, et il faut le faire adéquatement. Dans certains cas, dans un processus sacrificiel, il est nécessaire de se rappeler qu'Héraclès, qu'Achille ou les Tritopathoros furent jadis des êtres humains qui sont morts, avec tous les risques de souillure qu'implique la présence d'un cadavre. Souvenez-vous, on a parlé de la souillure associée, par exemple, au fait que les Argiens pourraient mettre à mort les Danaïdes qui se sont accrochées à la statue d'un dieu, quand elles arrivent à Argos. On a vu ça tout au début des cours. Alors là, je vous avais dit, un décès est déjà une puissante occasion de souillure, mais alors là, si c'est un meurtre, ça redouble encore. Mais donc un cadavre est toujours un problème à résoudre, un risque de souillure. On doit dès lors, face à un tombeau, face à un mort, honorer le destinataire du rituel, mais en le maintenant à distance. Si vous voulez. Il faut une communication, c'est-à-dire souligner que l'on lui rend hommage, mais l'interaction doit être limitée parce qu'il y a un risque de souillure. Dans d'autres cas, et le cas d'Achille en Troade est absolument clair à cet égard, c'est le désir d'honorer la face immortelle du destinataire qui prévaut, et dans ce cas-là, on peut parfaitement engager la communication avec lui. Il n'y a plus de risque de souillure lié à la mort. L'interaction qu'induit la Tusia est sans danger dans ce cas-là. Alors pour Héraclès ou Achille, bien connus par des dizaines de textes et qui ont fait l'objet de récits biographiques, si on peut s'exprimer ainsi pour des héros, l'ambivalence est clairement marquée par leur double statut, héroïque et divin, traduit par des rituels spécifiques. On vient de le voir. À Célinonte, puisque je ne perds pas de vue que c'est mon objectif, d'élucider cette inscription, l'ambivalence des Tritopathoros est marquée par deux rituels distincts, autant que par deux épiclèses différentes, hein, puisqu'on peut considérer que Catarsioi et Miaroi ont un statut d'épiclèse. Ses ancêtres sont identifiés comme impurs et purs, ce qui signifie que l'interaction avec eux doit être précautionneuse dans un premier moment, dans le cas du premier sacrifice qui leur est offert, peut-être à leur tombeau, parce qu'il y a une libation qui se fait à travers un toit, qui n'est pas spécifié, parce qu'évidemment, ceux qui lisaient l'inscription savaient exactement de quoi il s'agissait. Mais la mention du toit évoque probablement un monument funéraire. Donc, précaution dans l'interaction avec ces anciens défunts, tandis que la communication peut être beaucoup plus détendue dans le second cas, quand on s'adresse à eux dans leur profil d'ancêtre pur. Il y a donc une gradation qui fait passer d'un rituel de haute intensité, comme on dit dans ces cas-là, haute intensité, un surcroît de précaution, à un rituel de basse intensité, une tussia alors agrémentée d'une théoxénie dans le cas de Célinonte, et on passe ainsi d'un sacrifice à l'autre. Prenons encore un exemple, un cas parallèle, pour étayer cette interprétation, et cette fois-ci je ne me tourne plus vers un texte littéraire, comme dans le cas de l'Héroïkos de Philostrate ou dans le cas de Pausanias, mais vers d'autres normes rituelles. Alors, le parallèle que je veux vous soumettre est un calendrier sacrificiel du IVe siècle, avant notre ère, qui règle la répartition du coût des sacrifices dans un dème athénien. Donc c'est un document comptable, mais qui a la vertu de nous donner des informations sur les rituels. Et parmi les nombreuses entrées de ce calendrier, il y en est une qui est exceptionnelle et qui va nous ramener au viscère dont je vous ai parlé la semaine dernière. Alors, vous voyez le texte. Nous sommes au mois Antesterion, pendant les Diasia, c'est-à-dire une fête pour Zeus Meilikios, comme c'est précisé ensuite, en ville à Agrae. Donc il faut sacrifier pour Zeus Meilikios un bélier, offrante son vin jusqu'au viscère, Néphalios Mécri Splanknon. 12 drachmes, c'est le coût de l'animal. Je vous ai dit, c'est un document comptable. Donc le bélier, en l'occurrence, il coûte 12 drachmes. Alors, ce qui m'intéresse, évidemment, c'est l'offrande son vin jusqu'au viscère. À un certain moment de la manipulation des Splankna, ce moment de haute intensité dans la communication avec le dieu, il y a un basculement. On passe d'une ambiance sacrificielle à une autre. Le rituel à partir des Splankna commence à suivre un processus normal qui consiste à offrir des libations de vin. Jusque-là, il faut que les offrandes soient sans vin. C'est ce qu'on appelle parfois des offrandes pures, mais bon, le vin n'est pas particulièrement impur, mais c'est un autre problème. Donc, c'est la libation sans vin qui est en l'occurrence le rituel marqué, le rituel de précaution, du moins dans une première étape. Et donc, comme dans le cas de l'Héraclès de Sicyone, on a une double manipulation pour un même sacrifice à un même destinataire. La structure rituelle comme telle est différente de ce qui est accompli pour les Tritopathoros de Célinonte. Mais dans un cas comme dans l'autre, on assiste un changement d'attitude des sacrifiants en regard d'un seul et même destinataire. En outre, quand je vous aurais dit que le contexte des Diasia, donc la fête pour Zeus Meilikios en Attique, implique la prospérité et la continuité de la communauté, vous comprendrez pourquoi il me paraît que le parallèle entre ces sacrifices renforce l'idée que les Tritopathoros sont un seul et même groupe, comme Zeus Meilikios est le même destinataire des deux aspects du rituel qui lui est réservé lors des Diasia. Il n'y a pas de raison de penser autrement le processus auquel on a affaire. Donc, un premier point, un seul et même groupe pour les Tritopathoros. Il n'en reste pas moins que nous avons encore une question à résoudre. Comment comprendre que ces ancêtres génériques puissent être impurs? Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, la première hypothèse qui a été faite, c'est qu'il s'agirait d'une impureté supposée, qu'auraient contracté les membres du groupe dans le temps ancien de leur vie. Ils seraient dès lors purs et impurs, comme Achille ou Héraclès sont héros et dieux. À un moment de leur vie, Achille et Héraclès étaient héros, puis ils sont devenus dieux. Eh bien, les Tritopathoros, à un moment de leur vie, auraient contracté une impureté, une souillure, dans leur biographie dont on ne sait rien. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse consiste à rapporter cette impureté non pas à une souillure contractée pendant l'existence des ancêtres et dont on ne saurait rien, qu'il faudrait supposer, mais bien au fait qu'ils furent un jour des défunts, des cadavres, et en tant que tels, une source potentielle de souillure pour les vivants qui sont en contact avec leur sépulture. Le passage de Philostrate à propos d'Achille est clair à cet égard. Souvenez-vous, c'est à la tombe du héros qu'a lieu l'égorgement du taureau noir. Un rituel de haute intensité. Alors, dans le cas d'Héraclès, évidemment, le problème est différent puisqu'Héraclès n'a pas de tombeau. Mais la partie héroïque des rituels qui lui étaient dédiés était une manière de reconnaître néanmoins sa mortalité originelle. Revenons dès lors en Attique, où plusieurs cultes des Tritopathoros sont attestés. J'en prendrai deux en considération. Alors ici, donc ce sont des bornes qui servaient à circonscrire le sanctuaire qui est dit Abaton. Abaton, ça veut dire qu'on ne peut pas y entrer, on ne peut pas y marcher. Donc, accès interdit. C'est ça que signifient ces bornes. Voilà le hiéron des Tritopatres, mais il est interdit d'y aller. Or, l'Abaton en question, qu'on a retrouvé, que les archéologues ont identifié, l'Abaton a été établi sur d'anciennes sépultures, dans un contexte d'inhumation. Donc les sacrifices en ce lieu ne sont pas documentés, mais on peut supposer qu'ils imposaient quelques précautions, comme on l'a vu pour les Tritopathoros impurs de Célinonte. Par ailleurs, je vous ai dit que j'allais vous montrer deux sanctuaires des Tritopathoros en Attique. Donc voilà le premier, à l'entour du centre urbain. Le deuxième nous ramène à Erchia, le dème où nous avons vu le sacrifice pour Zeus Meilikios. Alors cette fois-ci, on a changé de mois, nous sommes en Mounikion, le 21, pour les Tritopathoros, à Erchia, un bélier, offrande sans vin, ne pas emporter 12 drachmes. Donc un rituel marqué par la précaution. Alors la consommation sur place atteste que la viande était disponible, donc pas de combustion intégrale, pour une véritable commensalité au sein du groupe sacrifiant, contrairement à ce qui se passe quand chacun reprend sa part et retourne chez lui. Donc il y a la volonté que le groupe sacrifiant mange ensemble dans le sanctuaire des Tritopathoros, qui, là, en l'occurrence, n'est pas un abaton. Donc vous voyez que l'abaton du céramique d'Athènes ou le sanctuaire à Erchia ont des statuts légèrement différents. Au vu de ces différents éléments, il me semble que la seconde hypothèse, celle qui prend en considération l'impureté liée à la mort, a plus de poids que celle d'une impureté potentiellement contractée du vivant des ancêtres. Le parallèle d'Héraclès et d'Achille me semble aller dans ce sens, de même que l'existence d'une vaste gamme de héros qui peuvent être soit attachés encore très fortement à leur statut de défunt du passé. Bon nombre de cultes héroïques dans les cités grecques se font près du tombeau réel ou supposé du destinataire du sacrifice. Donc on voit qu'une certaine catégorie de héros est encore extrêmement attachée et reliée à ce statut de défunt, tandis que d'autres s'en sont considérablement éloignés, et l'exemple d'Héraclès est évidemment prototypique de cette situation, pour arriver à recevoir des rituels comme ceux qui sont réservés aux dieux. Donc il y a tout cet éventail de possibles entre une mortalité affirmée ou une presque divinité. Et toute la gamme se retrouve dans les différentes manipulations sacrificielles auxquelles on a affaire. Dans le céramique d'Athènes, c'est le côté humain défunt qui est mis en évidence pour les Tritopathoros, et leur sanctuaire est inaccessible. À Erchia, le lieu de culte est fréquentable, mais avec précaution. À Célinonte, les deux possibilités sont prises en compte, en plaçant successivement ses ancêtres aux deux extrémités de l'éventail que je viens d'évoquer, celui du statut des entités suprahumaines. le processus sacrificiel passe d'un rituel qui met l'accent sur l'impureté de la mort à un rituel pour des figures ancestrales dont le statut d'humain défunt n'est plus d'actualité, et avec lesquelles on peut rentrer en relation sans plus prendre de précautions. Dès lors, en sacrifiant aux ancêtres impurs comme à des héros, et immédiatement aux purs comme à des dieux, on ne transforme pas les destinataires, mais on reconnaît leurs différents statuts et on s'adapte à la nécessité de les honorer de manière adéquate sous leurs différentes facettes. Et donc vous voyez que je me situe entre l'interprétation des premiers éditeurs et celle de Clinton. En conclusion, le monde suprahumain des Grecs est peuplé de figures aussi nombreuses que complexes, et dont le statut n'est pas figé selon une catégorisation rigide où les frontières seraient claires et parfaitement étanches entre les dieux, les héros, les humains mortels. Alors ces catégories existent bien sûr, et elles sont souvent formalisées dans la littérature. Mais quand on se place sur le plan des pratiques, on voit bien que tout cela est beaucoup plus labile. La plasticité du polythéisme se donne à voir aussi dans la fluidité et la porosité des limites que viennent sanctionner des rituels sacrificiels, dont j'espère vous avoir montré cette semaine comme la semaine dernière qu'il s'agissait bien d'un langage de communication avec le monde suprahumain. Quant à la relation entre le général et le particulier, le cas des Tritopathoreux atteste l'existence d'une ambivalence de ces figures partout où elles sont honorées, tout en montrant que chaque communauté s'approprie cet arrière-plan partagé en le déclinant selon des modalités qui lui sont propres. Ainsi, à Célinonte, leur ambivalence a été particulièrement mise en évidence par le biais d'Épiclèse, les purs, les impurs. Vous avez remarqué qu'à Athènes, on ne trouve pas cette spécification par le biais d'une Épiclèse, comme si la différence, la seule différence rituelle à Célinonte, ne suffisait pas à la marquer. Il faut ajouter quelque chose. Nous ne saurons jamais pourquoi ils ont fait ce choix-là. Mais la communauté locale en avait décidé ainsi. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 5 avril 2018, Vinciane Pirène-Delforge, Polythéisme grec, mode d'emploi, aujourd'hui, sacrifié comme au héros, le cas des Tritopathoreux. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Vinciane Pirène-Delforge. Sa leçon inaugurale, le polythéisme grec comme objet d'histoire, vient d'être publiée chez Fayard. Iconographie web, Claire.Signon. Réalisation, Laure-Hélène Planchet. Présentation, Meryl Moneghetti. Demain, nous achèverons notre voyage en pays polythéiste en compagnie de Vinciane Pirène-Delforge. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.